Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices. Bonjour. Pourquoi les athées se trompent-ils ? En ce moment, tout le monde s'en prend à Dieu, sous prétexte que des psychopathes détournent la religion et la parole divine à des fins politiques, ou cherchent à propager des idéologies néfastes pour l'humanité. Pourtant, je vous l'assure, Dieu n'y est pour rien dans ces atrocités commises par les disciples de Satan. En France, l'athéisme devient peu à peu une mode et les croyants se retrouvent bien souvent victimes de quolibets en tout genre, parfois d'insultes. Ces moqueries incessantes à l'égard des fidèles ont assez duré, la bien-pensante Slaïcarde ferait parfois mieux de se remettre en question plutôt que de dénigrer notre loyauté envers le Tout-Puissant. Athées, agnostiques, ayez l'obligeance de respecter nos convictions profondes plutôt que de les injurier, le monde ne s'en portera que mieux. Athées, je vous invite à plus de retenue et de tolérance à l'égard de notre foi. Brebis égarées, vous ne croyez point en elle éternelle, laissez-moi vous prouver que vos certitudes vous mèneront à votre perte. Dieu, s'il veut, peut se fumer un énorme spliff de purple as, sans tousser, et griller un joke de White Widow en une tape. Cette réalité vous contrarie, il va pourtant bien falloir l'accepter. Même font céder à la huile de dame, le créateur parvient sans problème à se concentrer devant un film ou un bouquin, y compris un bouquin écrit en prose. Ouais, Dieu gère très bien la défonce, le THC ne l'atteint presque pas, lui provoque éventuellement une petite dalle ou un rire de golemon, mais uniquement face à une situation gaulerie, genre un sketch de Bigard. Dieu peut taper une poutrasse de schnouf d'au moins 2 mètres, sans vriller en overdose ou raconter sa life pendant 3 plombes comme un connard. Car Dieu résiste trop bien à la C, qu'elle vienne de Paname ou de Colombie, et ne part jamais en bad trip. Il en va de même pour la rabla, la keta ou le kekra. Si tu ne me crois pas, demande à Jésus. Le Seigneur, il peut enchaîner 200 pompes par série de 20, 500 abdos à l'aise, et taper un footing de 20 bornes avec à peine un petit point de côté. Les pectoraux en béton, Dieu n'a nullement besoin de s'inscrire dans une salle de sport pour être physique et performant car hyper intelligent, il sait que tout est dans la tête. Dieu ne boxe pas mais s'il voulait, il pourrait marbrer Mike Tyson, le foutre KO au troisième round, et je n'exagère presque pas. Athée, vous pouvez toujours vous foutre de la gueule de Dieu mais en attendant, vous parlerez quand votre teub sera aussi mastoc que la sienne. Moukavé, le jour où il vous calera un coup de trique dans la face, il vous décrochera la mâchoire et résultat, vous irez chialer vos morts comme des baltringues. Je vous aurais prévenu. Même Rocco ou la poutre de Bamako aurait le séum en voyant le braquemar de l'Éternel mais de toute façon, Dieu n'exhibera pas son zjeg, il n'a pas que ça à foutre et surtout, rien à prouver à des fomblards dans votre genre. Voilà, je vous ai bien calmé, tant mieux parce que vous vous la racontez trop. Maintenant, athée de mes couilles, agnostique en ton quart, fermez bien votre claque merde plutôt que de pénave comme des branques, vous êtes juste des putains de jaloux. Alors niquez vos races, Dieu vous pisse à l'arrêt et vous chie dans la bouche. Vous écoutez Radio Parasite. Ça tue.